Pierre, plus convaincu que jamais du grand bon sens de son fils, avoua enfin que cette qualité précieuse valait mieux que l'esprit. Il était prévôt de Nitry, place qui lui coûtait beaucoup. L'audience tenant chez lui, et toujours à ses dépens, il n'y avait pas d'autre buvetier que le juge. Il se résolut de donner quelques soins à l'éducation d'Edmond. Il avait un parent de notre nom, avocat à Noyer, homme habile, d'une probité et d'une raideur encore célèbres. Il était fort riche. Ses petits-fils occupent aujourd'hui des places importantes dans le Dauphiné. Ce fut à cet homme que Pierre confia un fils, qu'il aurait pu former lui-même, s'il avait moins aimé le plaisir, mais à une condition, c'est qu'après avoir employé l'hiver à l'étude, ce fils reviendrait au printemps tenir la charrue et conduire les travaux. Je n'ai pas la témérité de blâmer cette conduite de mon aïeul, Edmond R. Lui-même, quoiqu'il ne l'ait pas suivi à l'égard de ses enfants, ne nous la citait jamais qu'avec une respectueuse admiration. Il avouait que c'était à cette conduite de son père qu'il avait dû la conservation de ses mœurs. Il recouvrait dans le sein maternel tout ce qu'il pouvait avoir perdu de sa candeur pendant les 6 mois de séjour à la ville. Au bout des premiers 6 mois, Pierre ne manqua pas de redemander son fils à l'avocat. Celui-ci le lui renvoya, avec la lettre suivante, que nous possédons en original et que nous conservons précieusement. « Mon cher parent, je vous renvoie un bon sujet. Cela ne fera pas un miracle d'esprit. Mais pour un bon juge, pour un bon père un jour, pour un bon mari, meilleur que vous, pour tout ce qu'il y a d'honnête, oui, cela le fera, je vous en suis garant. Quant à ses progrès, il a de l'ouverture, pour tout ce qui est d'affaires et d'utilité. Mais pour tout ce que vous aimez tant, mon cher Pierrot, ma foi, c'est un sot tout à plat. Je vous congratule de ses qualités et de ses défauts. Entendez-vous, et de ses défauts. Ces défauts-là remettront dans la famille ce que d'autres en ont ôté. Sois dit sans reproche, mon cher Pierrot, tu sais que je t'aime, quoique je t'aie quelquefois bien malmené. Mais dans notre famille, on a le cœur bon, et l'on se pardonne tout, hors le déshonneur. Grâce à Dieu, il n'y en a point. Ton fils a notre cœur, et le cœur de roi. Juge s'il l'aura bon. Je la salue et la félicite 100 fois de son fils, contre toi une. Dis-lui cela, et morbleu, n'y manque pas. Je le veux, et tu sais que je suis parfois rétif en diable. N'y manque pas, au moins, j'irai m'en informer. Descends de ta dignité, ou je te mettrai plus bas que terre à ma première visite. J'oubliais de te dire comment je me suis aperçu de tout ce que vaut ton fils. Le voici. C'est qu'il te respecte et t'honore comme un dieu, et qu'il t'aime comme il n'y a pas de comparaison. Je te remercie en finissant de m'avoir donné occasion de mettre cet exemple sous les yeux de mes 2 gaillards. Adieu Pierrot, tout à toi et le bon cousin d'Anne Simon. J'embrasse les petites rétives, il faut l'être pour l'honneur. Signé rétif, avocat. De Noyer, ce 10 mars 1710. De retour dans la maison paternelle, Edmond n'en fut pas moins ardent à reprendre les travaux champêtres, après une vie douce et tranquille. Tout était dépéri pendant les 6 mois d'absence. Les bêtes de labour étaient en mauvais état. Les granges, les écuries en désordre. Le jeune homme, qui sortait d'une maison opulente, où l'avait été traité comme les fils du maître, se trouva un ouvrage plus rude qu'il n'en avait jamais eu, mais un amour pour le travail qui l'a conservé jusqu'à la fin de sa vie, sa tendresse pour sa mère, la vénération profonde qu'il portait à son père, animèrent tellement son courage qu'en 8 jours il eut tout rétabli. Le soin des bestiaux alla à 15 avant qu'il pût en faire usage, mais au bout de ce terme, et par l'infatigabilité d'Edmond, tout alla bien. Rapporterai-je qu'il versa des larmes en revoyant un excellent cheval, devenu à ridelle pendant son absence? Pourquoi non? Pourquoi la sensibilité envers l'utile animal qui paie notre amitié par ses services et par une amitié réciproque serait-elle un ridicule? Bressant, grand et beau cheval, avait une raison presque humaine, et un attachement pour son jeune maître bien plus solide que beaucoup d'attachements humains. D'un mot, Edmond s'en faisait obéir, mais on voyait que c'était l'amitié. Un jour, la charrette chargée d'engrais ne pouvait sortir du trou dans lequel on les amoncelait. 2 garçons de charrue avaient épuisé les douces paroles, les jurements, et brisé leurs fouets, sans que les 4 chevaux eussent réussi à se tirer de là. « Edmond paraît, ôtez-vous, bourreau !» leur crie-t-il. Il baise le cheval, il le flatte de la main, et lui laisse ainsi reprendre haleine. Lorsqu'il est remis, il touche le timon, Fin de tirer, et s'écrie « Allons, Bressan, allons, mon camarade !» À cette voix chérie, le généreux animal donne son coup de collier, et seul, mais se croyant secondé par son ami, il emporte la voiture à 20 pas. Il fallut l'arrêter. Il aurait épuisé ses forces. Qu'on juge à présent quelle fut la douleur d'Edmond à son retour quand il trouva ce bon serviteur en mauvais état. Livré aux travaux rustiques, Edmond se privait de tous les plaisirs de ses pareils. Mais il est un doux sentiment que les travaux les plus rudes ne peuvent écarter. L'amour est la vie des âmes honnêtes. Il prend la teinte de leur caractère et devient la plus aimable de leurs vertus. Il y avait à Nitry une jeune fille appelée Catherine Gauterin, bonne, laborieuse, avec une physionomie qui semblait ne demander qu'à rire. La rose qui s'en trouve avait moins d'éclat que son teint. Quoiqu'elle eût de l'embonpoint, sa taille était bien prise. En un mot, c'était une fille très aimable. Edmond la remarqua. Il fut touché de son mérite autant que de ses charmes. Dans le pays, l'usage qui subsiste encore est de piller les filles qui plaisent. Les garçons leur enlèvent tout ce qu'ils peuvent, leurs bouquets, leurs anneaux, leurs étuis, etc. Edmond, un dimanche, en sortant de la grand-messe, aperçut un de ses rivaux, qui arrachait le bouquet à Catherine. Il en fut jaloux. Il s'approcha de cette fille aimable, et ôtant le sien de sa boutonnière, il le lui offrit en lui disant « Voilà des roses qui siéront mieux à vous qu'à moi. » La jeune fille rougit. « Du moins partageons, » dit-elle. Le bouquet était composé de roses rouges et blanches. Elle garda les blanches. À peine Edmond l'eut-il quitté par décence qu'un téméraire vint pour s'emparer de ce nouveau bouquet. Catherine, qui avait abandonné le premier sans presque le défendre, employa toute son adresse à conserver celui-ci. « C'est qu'il vient d'Edmond, » dit le garçon dépité. Ce mot fut entendu par le terrible Pierre. Il fut surpris que son fils, encore si jeune, osa lever les yeux sur une fille sans sa permission. Il ne dit cependant rien à dîner, mais il s'informa dans le jour adroitement. Il apprit d'une commère qu'Edmond, depuis son retour de Noyers, avait parlé 3 fois à Catherine Gauterin. Le lendemain, à l'instant du départ pour la charrue, Edmond, étant en chemise et déjà monté sur Bressan, son père s'approcha. « Donnez-moi votre fouet. » « Le voilà, mon père. » 3 coups vigoureusement appliqués par l'homme le plus fort de son temps coupèrent la chemise en 3 endroits et l'atteignirent de sang. Edmond ne poussa qu'un soupir. Pierre lui rendit flegmatiquement son fouet en disant « Souvenez-vous-en » et il rentra sans ajouter une parole. Edmond ignora ce qui lui attira cette correction rigoureuse. Sans faire attention qu'il était blessé, il partit et travailla tout le jour comme à l'ordinaire. À son retour, Anne Simon ayant regardé sa chemise, elle crut qu'il lui était arrivé quelque accident. Elle poussa un cri. Edmond la rassura. « Ce n'est rien à ma mère. » Elle s'informa au garçon de charrue. Elle apprit le fait, mais non la cause. Anne revint à son fils. Elle pansa les plaies qui en avaient besoin à cause du linge entré dans la peau. Son mari survint. Elle le regarda, la larme à l'œil. « Comme vous l'avez arrangé !» Pierre détourna la vue. « Voilà comme je traite les amoureux !» Il fallut deviner ce que signifiait cette réponse laconique. Mais cet homme si dur en apparence avait l'âme sensible. Il sortit et passa dans son jardin. Edmond, après que sa mère l'eut pensé, alla voir s'il n'y avait pas quelques plantes à arroser, quelques planches à sarcler, car il ne négligeait rien. Il entra, mais comme le jardin était vaste et couvert d'arbres touffus, il ne vit pas son père. Il n'en fut pas vu. Il s'avança, baissé, en arrachant les mauvaises herbes. Enfin, il aperçut son père, appuyé contre un jeune arbre planté par Edmond lui-même, une main sur son front, de l'autre essuyant quelques larmes. Jamais il n'avait vu pleurer son père. Il fut surpris. Il lui sembla que la nature allait se bouleverser. Son père pleurait. « Comme je l'ai accommodé, » prononça Pierre. À ces mots, Edmond pénétré, mais n'osant se découvrir, se jeta à 2 genoux et dit en lui-même « Oh, mon père, je vous coûte des larmes. Vous m'aimez, mon père. Je suis trop heureux. » Il lui tendait les bras sans être vu. Un mouvement que fit son père l'obligea de se lever. Il alla à l'extrémité du jardin, où, trouvant un carré abêché, il se mit à le faire. Son père l'entendit apparemment. Il vint auprès de lui et lui ôta la bêche. « Mon fils, c'est assez de travail pour un jour. Allez vous reposer, je vais achever. » Jamais ce mot de mon fils n'était sorti de la bouche de Pierre. Jamais il n'avait donné un coup de bêche, ni arraché une mauvaise herbe dans son jardin. Et il acheva le carré. Edmond, palpitant de joie, alla conter à sa mère ce qui venait d'arriver. Ce fut une fête pour la petite famille, car Edmond était chéri de ses sœurs. Et, de temps en temps, la bonne âne entr'ouvrait la fenêtre et regardait bêcher son mari. « Il achève mes enfants, il achève le carré des noms. Quand je vous disais qu'il a un cœur de père, c'est de peur que son fils n'ait la peine de l'achever. Oh, que c'est un bon père !» Et les enfants répétaient « Oh, que c'est un bon père !» Edmond ne se rappelait jamais cette scène, sans être attendri jusqu'aux larmes. Il bénissait son père de sa rigueur. « Sans cela, nous disait-il souvent, je me serais peut-être émancipé, comme tant d'autres. Mon père arrêta le mal dès sa source. Il fallait cette vigueur de sa part, car la tâche était déjà bien forte. » Il est vrai que Catherine était un excellent sujet. Elle a fait le bonheur de Jacques Berthier, l'un des fils du bon maître d'école. Mais alors pouvait-on savoir ce qu'elle valait? Ce père terrible avait d'excellents retours. Il aimait surtout les actions généreuses. Son fils, comme il arrive ordinairement, à ceux des pères dont l'esprit est brillant, était silencieux et timide. Un enfant qui pense n'ose prendre l'essor devant un père éclairé, toujours prêt à s'apercevoir du moindre manque. Edmond avait l'âme d'une trempe exquise, si compatissante pour les infortunés, qu'à l'âge de 10 ans, il avait donné des habits au fils d'un pauvre mendiant, qui était tout nu. Ce trait m'a été souvent raconté par une de mes tantes, sœur aînée de mon père. Pierre en loua son fils, et alla jusqu'à lui passer la main sous le menton par forme de caresse. Mais je vais rapporter un autre trait plus frappant de cette tendre compassion, vertu presque insurmontable dans mon père, si l'on peut s'exprimer ainsi. Un malheureux commit un homicide involontaire. Ce cas était par conséquent graciable. Mais un paysan ignorant ne sait pas faire la distinction. Cet homme fut mis dans une prison bien singulière. De mémoire d'homme, on n'avait pas eu besoin de celle de Nitry. Elle servait de toit à porcs aux fermiers. Et n'était pas même couverte. On emprisonna l'homicide sous une grande cuve renversée et on lui mit les pieds dans un trou avec quelques ferrements qu'arrangea le maréchal du bourg. Ce malheureux gémissait le jour et la nuit. Le petit Edmond, touché de compassion, allait le consoler, et lui portait quelques fruits, outre sa nourriture ordinaire. Un jour que tout le monde était à la campagne, l'enfant resté seul auprès de la cuve, dit au prisonnier « Ne pouvez-vous donc sortir, bonhomme ?»« Hélas non, j'ai les pieds pris dans un trou avec des clous bien rivés, si j'avais des tenailles. » L'enfant en alla chercher. L'homme débarrassa ses jambes. « Ne pouvez-vous à présent lever la cuve ?»« Non, mon enfant, elle est trop pesante. Mais si j'avais une pioche ?» L'enfant alla prendre une pioche et la passa par le trou qui servait à lui donner à manger. L'homme se fit une issue, sortit de dessous la cuve et prit la fuite en disant à l'enfant « Dieu te bénisse, mon petit. On n'en a jamais entendu parler. » Lorsqu'on fut de retour, on s'aperçut de l'évasion. Mais on ignorait qui l'avait procurée. Ce que l'enfant entendait dire à ce sujet l'intimida, et il n'eut garde de parler. On fit des perquisitions pour savoir qui avait délivré le prisonnier. On ne découvrit rien. Or, il y avait dans le village un homme fort méchant nommé D, qui en voulait à un autre nommé L. Le premier s'entendit avec un de ses amis, et tous deux déposèrent que c'était L qui avait fait évader le prisonnier. Le pauvre L fut mis sous la cuve. Dès que le petit le sut, et pourquoi il y était, il vint trouver sa mère en pleurant, et lui avoua que c'était lui qui avait donné les tenailles et la pioche, et que elle n'était seulement pas venue là. Anne Simon, qui craignait son mari, se trouva fort embarrassée. Cependant, après avoir pris des détours pour adoucir Pierre, elle lui avoua le fait, avec toutes les circonstances qui étaient le plus en faveur de l'enfant. « Où est-il ? » s'écria Pierre. La bonne mère le crut perdu. Mais il n'y avait pas à hésiter, il fallait l'appeler. Elle alla au-devant de lui et le couvrit presque de son corps. « Edmond, dit le père, l'action que tu as faite de sauver l'homme est injuste, mais elle est belle pour ton âge, et je suis bien aise si elle avait à être faite, que ce soit par mon fils, plutôt que par tout autre. Mais l'action de t'accuser, pour sauver un innocent, serait belle dans un homme de 40 ans, quoique ce ne soit qu'une justice. Allez, je suis content de vous. » Et comme il s'en retournait, il le bénit. Anne Simon, transportée de joie, se jeta aux genoux de son mari en lui disant « Et vous le bénissez ? Ah, il sera heureux toute sa vie. Et je vous dois là plus, moi, car j'aime mon fils plus que moi-même. » Le semestre de travail se passa sans qu'il arrivât rien de particulier, si ce n'est une conversation qu'eut Edmond un soir avec un vieillard nommé le père Bras d'Argent, âgé de 105 ans. Cet homme était encore assez vigoureux pour conduire la charrette dans la campagne et y recueillir les gerbes. Edmond, qui revenait avec sa voiture d'un champ plus éloigné, trouva le vieillard qui chargeait. Touché de respect à son aspect vénérable, il arrête et va auprès de lui pour l'aider. Tu viens bien, mon enfant, lui dit le centenaire. Justement, j'en suis au plus haut, et je sens que mes bras ne veulent plus s'étendre. La voiture chargée, ils revinrent ensemble. Edmond gardait un respectueux silence en marchant derrière un homme qui avait vu ses aïeux et naître son père, car voilà l'idée qui le frappa d'abord et qui lui imprima un respect profond. Le vieillard rompit le silence et, montrant le ciel couvert d'étoiles, il dit à Edmond « As-tu lu la Bible, mon enfant ?»« Oh oui, père bras d'argent, et je la sais quasi par cœur. »« Bon, bon, mon enfant, tu connais celui qui a fait tout cela. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Il a dit que tout cela a été fait. Voilà où je dois regarder. Oh, que j'aime une belle nuit. Elle me montre le maître. Le jour, le beau jour, ne m'a montré que les ouvrages. Mais une belle nuit comme celle-ci me le montre lui-même. Chacun de ses astres me l'indique. Et je sens encore mon cœur s'échauffer à l'idée que j'ai de lui. Mon père nous a 100 fois assuré que ce discours simple et fort court sur la divinité, par un vieillard de 105 ans, lui fit une impression si forte qu'elle ne s'est jamais affaiblie. Il lui semblait entendre parler un être au-dessus de l'humanité, un être qui déjà n'était plus de ce monde et qui avait commencé son éternité. C'est l'expression de mon père. Ils parlèrent ensuite de ce que le vieillard avait vu sous le règne de Henri IV, de Louis XIII et celui de Louis XIV, qui était alors à son déclin. Mon père remarqua surtout ces mots de vieillard, que les peuples le sentirent ce qu'ils avaient perdu dans Henri, qu'après sa mort. De son vivant, il murmurait. Il nous citait encore ce mot du vieillard. « Depuis que je suis, j'ai toujours vu raffiner sur les moyens de contenir le peuple et rendre la vie difficile par mille petites précautions. Comme si ce n'était pas assez de la gelée, de la grêle et du feu pour nous désoler et qu'il faille que les hommes s'y joignent. Mais à mesure qu'on a raffiné, le méchant a raffiné aussi pour éluder la loi trop raffinée. Et de raffinerie en raffinerie, on en viendra un jour à ne faire que financer ensemble, le maître et les sujets. À moins qu'on ne se dise en fin finale, clairement et face à face, « Je veux cela, tort ou droit. Je ne veux pas, moi, bien ou mal. » Et que tous les liens ne soient rompus. Ne valait-il pas mieux agir tout simplement? Est-ce que le ministre et le magistrat sont plus que des hommes? Est-ce que le sujet et le fripon sont moins que des hommes? Si tu inventes une finesse, j'en invente une autre. Et ce n'est que l'homme droit qui perd à cela. Fin contre fin, la doublure n'en vaut rien. Il faut que le gouvernement donne l'exemple de la franchise, de la droiture, de la loyauté, sinon prêtre, sermon, messe, vêpre, salut, tout cela est du soin perdu. Que vous êtes heureux, père bras d'argent, d'avoir tant vu de choses et de vous en souvenir. Mon enfant, n'envie pas mon sort ni ma vieillesse. Il y a 40 ans que j'ai perdu le dernier des amis de mon enfance, et que je suis comme un étranger au sein de ma patrie et de ma famille. Mes petits-enfants me considèrent comme un homme de l'autre monde. Je n'ai plus personne qui se regarde comme mon pareil, mon ami, mon camarade. C'est un fléau qu'une trop longue vie. Songe donc, mon enfant, que depuis 25 à 30 ans, à chaque nouvelle année, je la croyais la dernière. Que l'espérance, ce baume de la vie de l'homme, le riant avenir de la jeunesse, et même de l'âge mûr, ne sont plus pour moi. Que le sentiment si vif qui attache un père à ses enfants, le plaisir aussi vif de voir ses petits-enfants, tout cela est usé pour moi. Je vois commencer la 5e génération. Il semble que la nature ne veuille pas étendre si loin notre sensibilité. Ces arrière-petits-enfants me semblent des étrangers. Je vois que de leur côté, ils n'ont aucune attache pour moi. Au contraire, je leur fais peur et ils me fuient. Voilà la vérité, mon cher ami. Et non les beaux discours de nos bien-disants des villes, à qui tout paraît merveille, la plume à la main. On ne peut disconvenir que ces idées ne soient très saines. La dernière n'est pas consolante, mais la première, sur le raffinement continuel dans les précautions de l'administration publique, est lumineuse. Et je ne me souviens pas de l'avoir vue nulle part, quoique tous les jours, on en sente les funestes effets. Après les semailles des blés, Edmond retourna chez l'avocat R. et y reprit les tranquilles occupations, avec autant de facilité que s'il ne les eût pas quittés. Il y avait chez ce parent, outre ses 2 fils, un cousin Germain. Mon père n'était qu'issu de Germain, de l'avocat rétif, nommé d'Aiguemorte. C'était un jeune homme de la plus belle espérance, la délicatesse de son esprit, ses talents précoces le faisaient chérir de l'avocat d'une manière si distinguée que cet honnête homme craignit de donner de la jalousie à Edmond. Un jour il l'appela pour faire avec lui un tour dans son jardin. Après quelques instants d'une conversation affectueuse, il lui dit « Edmond, je suis content de vous. Vous faites ce que vous pouvez et il y a quelques manques dans votre travail. Elles viennent de votre incapacité et point du tout de votre faute. Mon cher enfant, je t'aime parce que tu es un bon sujet. Et je vais te parler avec la franchise qui nous est naturelle à nous autres rétifs, par-dessus tous les autres bourguignons. Tu dois être aperçu que j'ai une sorte de prédilection et de complaisance pour des gueux mortes. Il est mon cousin Germain, et fils d'une tante qui m'a servi de mère. Mais ce n'est pas tout. Il a infiniment d'esprit, et mon but est de seconder la nature de tout mon pouvoir, persuadé que ce jeune homme peut se faire un nom, et nous illustrer tous. Voilà pour lui. Quant à toi, vouloir te traiter comme lui, ce serait du temps et des soins perdus. Il a de l'esprit, et tu n'en as point. Je tranche le mot, un autre te flatterait. Moi, je te dis la vérité. Mais, mon cher Edmond, tu ne dois pas être mécontent de la part que t'a donnée la nature. Il est inutile de m'expliquer davantage. Si j'étais faiseur d'hommes, et comme diraient les Grecs, un théanthrope, je sais bien desquels je ferais un plus grand nombre. Ce ne seraient pas des dégues mortes. Comme je te le disais tout à l'heure, il est mon cousin Germain. Il a un degré de plus que toi. Mais tu portes mon nom, et par là vous m'êtes au moins égaux. Va, mon cousin, va travailler, et songe bien que je suis ton bon ami à toujours. Tu pourrais bien un jour me faire le plus d'honneur, car je crains en diable ces gens d'esprit. Je t'en citerai bien des exemples, mais je ne veux pas. » Mon père nous a raconté lui-même cette conversation, et il appuyait avec une sorte de complaisance sur les endroits qui lui paraissaient le plus défavorables. C'est que ce digne homme n'avait pas besoin des qualités brillantes. Il en avait tant de solides et de celles qui honorent véritablement l'humanité. On ne sait ce que Dégueumorte serait devenu. Ce jeune homme mourut à l'âge de 19 ans. Au printemps suivant, Edmond retourna chez son père. Il y trouva tout en beaucoup meilleur état que la première fois. C'est qu'il avait lui-même dressé un garçon de charrue, parent de la maison, pendant le semestre précédent. Cet excellent paysan, nommé tous les jours par ce briquet, était un rétif. Tout ce qui porte ce nom, mon père, me l'a souvent répété, tant dans l'Anjou que dans la Bourgogne et dans le Dauphiné, sortent de la même souche. J'ai déjà rapporté dans l'école des pères l'origine de ce sobriquet. Mais comme cet utile ouvrage est peu connu, parce que je n'ai pas su le bien faire, sans doute, je vais la remettre ici.